L'alcool, les soucis, la fatigue, les sorties, mes neurones se poussent. Si je sens mal, c'est temps. Si j'ai trop mal à la tête, à ce moment, je fais trop la fête. Je regarde même plus mon assiette, mes ennemis veulent me la manger. Je suis trop défoncé, je pense qu'à dépenser. Oui, vous la sentez. On était en bas, mais on a monté la pente. On vient régler les comptes. Appuie sur la détente. On va tous les descendre. J'ai pris, je l'apprécie beaucoup, mais si je me suis sans boule. Tiens, elle est ta sœur, car elle veut que tu mettes son cou. Tu viens regarder travers, il t'a sorti le 12 coups. Faut t'en dire pas loin, si dans les poches t'as des clous. J'ai mis mon cache-nez. Aujourd'hui, je fais TP. Ça la bosse au énervé. Je termine en GAV. Je sais que t'es un mytho, dans les poches t'as rien. Je sais que t'es une mytho, j'aime les Porsche Cayenne. Je veux juste t'en folie, je m'en fous de tes câlins. J'avoue que je t'ai menti, quand je t'ai dit t'es bien. Hier je suis rentré tard, j'ai bu la bouteille entière. On doit clipper en Espagne, ils sont déjà à la frontière. J'ai conduit son hyper déchiré jusqu'à la casté. J'ai déposé Raïs et il a croisé son père. Je te dis faut pas que tu t'attaches, mais je crois que c'est ça qui lui plaît. Je te dis que je préfère le cash. La fin d'histoire est belle, les jaloux salivaires. Des frères aux arrivants, des idées sanguinaires. Veulent dégommer la juge, la balance et l'enquêteur. Moi j'suis posé au bar, j'ai tout mis sur le hot show. Elle fait mon hume, son patron fait le grincheux. Bref, me souhaite pas bonne année, souhaite m'envoyer la suerte. Y'a des types sous coque avec des armes de serbus. Défoncé sous votre cuisse. Pourquoi tu arrêtes plus? Tiens de la vodka Red Bull. Tiens trop la boco. Sur tes lèvres y'a des bulles. On met tes plaies en début. Je vois plus personne maintenant. Ce soir j'ai bu et ciao ciao la France. Ce soir on fait TV. Viva viva España. Plus POCV. Ciao patera gna gna. J'suis défoncé en Espagne. J'ai déjà niqué deux flashs. Je reprends même pas. J'suis resté fidèle au H. Sans la patate ce soir. Un aquarium dans le studio. La couche bonsoir. J'crois que t'as pas de gadio. Oh bonne suerte. J'm'occupe d'elle toute la noche. Si elle veut c'est voir mon dompé. Una chica caliente. Oh, ça fait bang bang. On est en galère, ça fait 5-5. Indépendant jusqu'à la muerte. La Castille et Marseille, hier belle gang. Mais pourquoi tu me fais le mac? Cache le calibre dans le sac. Fais pas chauffer à la vac. On a des kilos dans la porte. Mamacita, oh, mamacita, eh.